avec moi, je t'emmène en voyage, faire le tour du globe où les gens ne sont pas sages. T'inquiète, n'aie pas peur, on sera que de passage. Et tu verras des gamines dans des salons de massage. Viens, je t'emmène avec moi au Brésil, où les gens dorment dehors, ça s'appelle bidonville. Où les hommes pour survivre n'ont d'autre choix que le vice. Et leur outil de travail s'appelle tournevis. Viens voir plus loin, t'as les rues de Bogota, où les gosses ont de la colle, s'en sert pas pour l'école. Pour une clope, ils te mettent le couteau sous la gorge. Et certaines préfèrent manipuler le sucre d'orge. Viens voir ces filles obligées de se marier à d'illustres inconnus de 20 ans leurs aînés. Voilés jusqu'aux yeux, n'ont pas droit à l'image. Une bassine d'acide pour tremper leur visage. Viens jette un œil dans ces pays d'Afrique où on brûle des villages seulement pour du fric. Où les gens doivent quitter famille et maison. Et les filles de 8 ans connaissent l'excision. Viens en Syrie voir les exécutions. Mais les States aussi connaissent l'électrocution. Viens si tu veux, je t'emmène à Carrefour. En boucherie, y'a moins de viande sur le sol du Darfour. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens voir la misère et ses plages. Viens découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens voir la misère et ses plages. Viens découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage. Réveille-toi, pétasse satanique. Laisse ton pyjama en soi, sors de ton pieu, on y va. À Charter nous attend, à bord les passagers vénèrent Al-Qaïda. Mange de la soupe de doigts, dans la soupe tout petit tu te feras. C'est chaud pour toi, si on arrive à esquiver les buildings, on atterrira sur une terre sanglante d'Africain. L'accueil se fera par un groupe d'enfants mutilés sans bras, victimes de mines antipersonnelles, celles qui t'arrachent ton avenir, quel qu'il soit. Ils nous emmèneront dans ce qu'ils appellent leur village, où l'eau en guise de breuvage dans ton bide fait un putain de carnage. Ne cherche pas à te soigner ici pour ta gueule crippée, pas te cacher, juste une belle carte blanche pour te reposer. En France on combat l'obésité, ici on se bat avec l'estomac atrophié. Dans les cantines au déjeuner on jette des tonnes de déchets. Ici pour grailler on tue son frère et on lui ronge les pieds. Avant de rentrer on fera une escale chez les bridés. Là aussi la viande est abondante, y'a qu'à se baiser. Dans les caniveaux c'est du bébé. Des nourrissons avortés non tolérés. Dans une dictature fasciste déjà surpeuplée. Allez, bonne journée, demain je reviendrai te chercher. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens, voir la misère et ses plages. Viens, découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens, voir la misère et ses plages. Viens, découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage. T'en veux plus alors viens dans le Moyen-Orient, où les gens s'entretuent depuis la nuit des temps. Pour une cause bidon appelée religion, fanatisme débile, crime, guerre civile. Viens faire un tour dans les banques du Vatican, où tout le monde s'enrichit sur la faiblesse des gens. Viens ouvre les yeux, tu verras c'est sanglant. Notre cher beau pays vend des armes aux enfants. Viens avec moi et surtout n'oublie pas que tout cela est réel, je te jure tu rêves pas. J'aurais vraiment souhaité t'éloigner de là-bas, mais je ne peux t'accueillir, mon pays ne t'aime pas. Car chez moi aussi les gens découvrent la haine, mettent de nouvelles frontières appelées ADN. Ma peine est immense, inégale à la tienne. Je parle de ta souffrance et j'espère que ça gêne. Coucou, me revoilà gros con, éteins la télévision. On peut voir la réalité en face du pion. Ici pour tes conneries, t'as pu échapper à la prison grâce à tes relations. Là où je t'emmène, on t'a répondu à l'hameçon d'une grue pour ta lapidation. Viens, viens, viens, toi qui te plaignais petit. Donne pas à avoir de Nike, donne pas à avoir les mêmes jouets que Jerry. Ici t'aurais pu être le roi de la couture pour éviter la torture. T'aurais confectionné des ballons pour Zidane et Henry. Viens, il est temps de faire un effort spécial, cours de sport. Au programme, on s'en met coup de machette. Est-ce qu'il sait pas chouette? La science prend claquette pour faire Rwanda, Congo. C'est pas évident, t'as les clubs qui pètent. Ok, j'arrête, relativise, prends du plomb dans la tête. Et tu verras ta vie est plus que correct. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens, voir la misère et ses plages. Viens, découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage. Viens, le Faya t'emmène en voyage. Viens, voir la misère et ses plages. Viens, découvrir de nouveaux paysages. T'en prendras plein les yeux, tu trouveras ça dommage.